Oh, tous les malheureux, tous ceux dont le dos brûle sous le soleil féroce, et qui vont, qui dans ce travail-là sentent crever leur front. Chapeau bas, mes bourgeois. Oh, ceux-là sont les hommes. Nous sommes ouvriers, sire, ouvriers. Nous sommes pour les grands temps nouveaux, où l'on voudra savoir, où l'homme forgera du matin jusqu'au soir, chasseur des grands effets, chasseur des grandes causes, où lentement vainqueur, il domptera les choses et montera sur tout, comme sur un cheval. Oh, splendide lueur des forges, plus de mal, plus. Ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être terrible. Nous saurons. Nos marteaux en main, passons au crible tout ce que nous savons. Puis, frères, en avant. Nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant de vivre simplement, ardemment, sans rien dire de mauvais, travaillant sous l'auguste sourire d'une femme qu'on aime avec un noble amour. Et l'on travaillerait fièrement tout le jour, écoutant le devoir, comme un clairon qui sonne. Et l'on se sentirait très heureux. Et personne, oh personne surtout, ne vous ferait ployer. On aurait un fusil au-dessus du foyer.